Chapitre 14e. Aujourd'hui, nous allons nous aérer les poumons, parce qu'après tout, c'est bien pour ça qu'on est là. Après avoir fait cuire la veille les œufs durs, le riz, les poulets, nous passons prendre le pain et direction le col du Minier pour aller à l'Aigoual. Nous n'avons oublié ni les boules, ni le pastis, ni le sérum antivipère, ni les jumelles, et encore moins l'appareil photo. Je me suis battu pour que nous n'abandonnions pas la radio, mais je n'ai pu éviter la compagnie de Maud. Il faut reconnaître que son comportement a fait de gros progrès, et elle est maintenant agréable. Je ne le dis à personne, mais j'ai hâte d'être au soir pour avoir le rapport de Louise sur ses interrogatoires. Je suis comme un gamin qui attend avec impatience le western du soir à la télé. Nous allons pique-niquer du côté du lac d'Épise. Après le repas, pris dans un calme un peu oppressant au début, quand on n'est pas habitué au calme de la montagne, sieste obligatoire sous les mélèzes, bercée par une brise idéale. Nous sommes couchés sur le dos, tête contre tête, nos corps formant une espèce d'étoile. Ça permet de pouvoir se parler sans élever la voix. C'est ce que nous faisons toujours à la plage, pour éviter que ceux d'à côté entendent ce que nous disons. Je leur propose la méthode de Valérie et chacun de nous prend la main de son voisin de droite et de gauche. Le regard perdu dans les branches, je tiens Maud d'un côté et Gilda de l'autre. Vous allez voir, c'est génial comme sensation, ça porte une vraie détente. Deux ou trois minutes se passent en silence, mais contrairement à son habitude, c'est Gilda qui attaque le sujet la première. Alors, on en est où avec ces meurtres? J'aimerais mieux qu'on arrête l'assassin avant qu'on s'en aille. On s'est suffisamment enquiquiné avec cette histoire pour qu'on nous prive du dénouement. À mon avis, dit Serge, ça ne va pas tarder. Moi, j'ai mon idée sur la question. Moi aussi, je précise. Moi aussi, lance Gilda. Et moi aussi, dit Sylvia. Je ne suis pas aussi nunuche que vous le croyez. Une prof de maths, en principe, ça réfléchit. Bon, ben fais-je, ben on t'écoute, madame. Quelle est la solution? L'assassin est forcément un des trois survivants de la bande, je mets à part, a priori, je sais, Rémy Gouin qui crèche dans le Luberon. C'est quelqu'un qui se venge de la mort de Marlène. Ça peut être Sarah, avance Gilda. Elle a suffisamment de force et de haine pour avoir estourbi ses victimes. Je sens la hargne chez cette femme. C'est peut-être une histoire d'amour, dit Serge. Moi, je parierais sur Max, puisque le témoignage de Gouin précise qu'il était amoureux de l'une ou de l'autre. Et toi, Gino? Moi, j'ai une autre idée, mais je vous la dirai quand je serai plus sûr de ce que j'avance. Pour l'instant, ça n'est qu'une intuition, et vous savez combien je fonctionne à ce carburant-là. Oh, allez, dis-le-nous. Non, non, pour qu'après on me traite de madure, de tortueux, de la cervelle, et j'en passe. Vous attendrez. Voilà. Dans chacune de mes enquêtes, j'ai eu droit à ce genre de qualificatif. Alors maintenant, basta, j'ai compris. Il faut se méfier du personnel du centre, dit Maud. Ils ne sont pas tous francs du collier là-dedans. Certains ont autant de problèmes que les pensionnaires. Et puis, qui vous dit qu'il n'y a pas trois assassins, un pour chaque meurtre? Sans rien dire, je serre convulsivement la main de Maud. Elle a compris. À propos, me fait-elle, tu sais, j'ai un survêtement bleu pâle. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu allais à Montardier un jour en vélo? Oui, et justement, j'avais ce survêtement. Enfin, aller à Montardier, c'est vite dit. Disons que je suis redescendu de Montardier à vélo, mais que j'y suis monté en camion. Il était hors de question que je me tape toute la côte en pédalant. J'en aurais été incapable. Mais pour revenir, je me suis fait la peur de ma vie. J'avais tellement la trouille que les freins cassent. Et qu'est-ce que tu avais été faire à Montardier? Ben, j'étais voir le château. Il paraît que quand on est ici, il faut aller le voir. Quant au panorama, j'ai le plus apprécié à la montée qu'à la descente, je te le dis. Après une pétanque, pendant laquelle, origine oblige, nous avons brisé le calme serein de la forêt environnante, et où Gilda, Maud et moi, nous avons baisé Fanny, Serge, Sylvia et Ludo étant trop forts, nous redescendons vers 5 heures de l'après-midi sur le Bigan. Le soir, à l'apéro, Paula se joint à nous, accompagnée de son chevalier servant, qui, par de petits coups d'œil furtifs, s'assure que je suis bien en attente fébrile d'informations. Il en jouit le bougre, avec un petit sourire pincé. Moi, faisant ma tête de cochon, je ne moufte pas, ne voulant pas m'abaisser à mendier son bon vouloir. On verra bien qui des deux tient le plus longtemps. Finalement, Louis pose une main sur mon épaule et me dit affectueusement « Allez, tu me fais de la peine, je vais te raconter. D'abord l'anneau. » Quand il est entré dans mon bureau, il avait l'air assez contrarié. Ça m'est grand, bien bâti, baraqué, mais mince. Vêtu comme un paysan, puisque c'en est un. Il m'a demandé avec un reproche dans le ton pourquoi je l'avais convoqué. Quand je lui ai dit que c'était au sujet des trois meurtres du Cobra, il s'est écrié. « Vous ne croyez tout de même pas que je suis mêlé à ce genre de... »« De conneries, c'est ça, exactement. » J'ai donc décidé de le prendre un peu plus de biais. « Vous êtes tout de même le mari de Sarah Baum, et vous devez vous souvenir qu'elle appartenait à cette bande dont le signe distinctif était un cobra. »« Oui, vaguement. » »« Mais elle non plus n'a rien à voir avec le jobard qui s'amuse à estourbir les bonnes femmes. »« Je veux bien le croire, monsieur Lanou. » Pourtant, toutes les victimes faisaient partie de la bande. Ça, vous devez le savoir. Non. Alors, je me suis dit, mon loulou, il faut que tu le bouscules un peu plus fort. Vous vous foutez de moi, monsieur Lanou? Vous étiez bien présent lors de la noyade accidentelle de Marlène, la sœur de Sarah? Non. Vous êtes formel? Oui. Et là, j'ai commencé à enclencher la moulinette. Vous êtes formel? Parce que vous savez que trois des témoins de ce drame sont mortes. Qu'un autre est aussi décédé de maladie. Que votre épouse n'aura pas signalé votre présence et que Paul Marceau a nié sa propre participation, comme il a certainement dû vous le dire. Vous avez oublié un dernier larron, que nous avons retrouvé en Provence, Rémy Gouin. J'ai attendu qu'il encaisse le coup, il n'a pas branché d'un cil, au bout de quelques secondes il m'a fait. Je ne connais pas ce Rémy Coin. Gouin, monsieur Lanou, coin, coin, c'est pour les canards. Lui se souvient très bien de votre présence, pourtant. Et j'ai attendu, mais il n'a rien voulu dire d'autre. Je l'ai laissé mariner un moment et finalement il m'a dit « Bon, je suppose que c'est fini, j'ai d'autres choses à faire. » « Moi aussi, monsieur Lanou, mais malgré mon emploi du temps chargé, j'ai besoin d'en savoir un peu plus long sur vous. » Là, il a commencé à s'agiter sur sa chaise et j'ai senti qu'il m'aurait volontiers foutu un pastisson s'il avait pu. « On m'a dit que vous aviez été à la fac. » « Ce n'est pas pour apprendre le métier de berger, je suppose. Non, j'ai une maîtrise de français et une agrégée d'histoire. » « Macarel, beau palmarès. Vous n'avez jamais enseigné ?»« Si, dans la banlieue parisienne d'abord, puis à la fac à Nîmes. »« Mais je me suis aperçu que je n'étais pas fait pour ce métier. »« J'ai trouvé que c'était vide de sens et que la vraie vie c'était ailleurs, près de la nature. »« J'ai tout plaqué et j'ai repris une bergerie appartenant à mes parents. »« Par la même occasion, je me rapprochais de mon épouse qui avait obtenu un poste au lycée du Vigan. »« Vos revenus ne sont certainement pas les mêmes en faisant le berger. » « J'ai de quoi manger, ça me suffit. »« Vous ne vivez pas avec votre épouse. Est-ce à cause d'une divergence sur vos modes de vie ou s'agit-il d'un malaise plus profond ? Est-ce indiscret de vous le demander ?»« Oui, c'est indiscret. »« Bon, eh bien, vu votre loquacité, je pense que nous serons amenés à nous revoir. »« Vous devez rester à la disposition de la justice et être joignable à tout moment. »« Tu vois, Gino, ce type est certainement intelligent, mais c'est un borné. » Il doit s'imaginer que nous, à côté de lui, on est des pauvres cons à qui on peut raconter n'importe quoi. C'est bien un paysan, t'es... Ouh, attention, lui, il ne va pas dire ça à n'importe qui. Et avec Marceau, ça a mieux marché. Ah, avec Marceau, ce n'était pas la même limonade. Il est bizarre, ce type. Je me demande s'il n'est pas aussi dingue que ses malades. Raconte. Il est arrivé 2 heures après Lanou. En passant, je me suis dit que j'avais fait une connerie de ne pas les avoir convoqués en même temps. Rien ne me dit qu'ils n'ont pas pu communiquer entre-temps. Enfin, tant pis. Lui, je l'avais déjà vu et il n'en menait pas large. J'ai donc choisi de le bousculer dès le départ pour qu'il en lâche le maximum. Pourquoi m'avez-vous caché votre acte de bravoure lors de la mort de Marlène, monsieur Marceau ? Il a mis 2 secondes avant de répondre. Je savais qu'il avait plusieurs options pour mentir. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de l'eau. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas là. Et comment savez-vous que l'acte de bravoure dont je parle consistait justement à plonger pour sauver Marlène ? Vous ne pouviez le savoir que parce que vous l'avez fait. Mais pas du tout. Qui vous a raconté cela ? À ce moment, j'ai décidé de sortir la grosse artillerie. C'est Max Lanou lui-même. Ce n'est pas possible puisqu'il n'y était pas lui non plus, on me l'a dit. On a bon dos. Je ne sais pas ce qu'il a pu vous dire, mais pourtant, il a reconnu qu'il y était et que vous l'avez aidé. Ne faites confiance à personne. Dites-nous la vérité et tout deviendra plus clair. Il a hésité quelques secondes, puis en jetant son briquet sur la table, il a crié. « Et puis merde, ouais j'y étais, et je l'ai sorti de l'eau, avec Max, justement, le beau Max. » « Eh ben voilà, c'est pas mieux comme ça. Mais pourquoi m'avez-vous caché la vérité la première fois ?»« Parce que j'ai toujours su que cette affaire sentirait mauvais, un jour ou l'autre. Je ne regrette pas ce que j'ai fait sur le moment, mais j'ai tout de même le remords de ne pas avoir empêché ces connes d'avoir balancé Marlène à l'eau. » Alors je préfère enfouir ce sentiment et me persuader que je n'étais pas là ce jour-là. Donc vous confirmez le récit que m'a fait Rémy Gouin. Et oui, parce que pour être réglo avec vous, je dois vous dire que ce n'est pas Max Lannoy qui m'a tout raconté, mais Rémy Gouin. Ah, vous ne reculez devant rien. Vous utilisez les méthodes qui rappellent l'occupation, bravo. Je vous conseille de mettre un bémol, monsieur Marceau. Eh oui, c'est Rémy Gouin qui a lâché le morceau. Après tout, la France n'est pas si grande que ça, finalement. Le Luberon n'est pas aussi loin que la Californie ou la Sibérie. Après avoir réfléchi une seconde, je demande à Louis ce qu'il conclut de ces interrogatoires. Ben, il se peut fort bien que ce soit pour venger la mort de Marlène que l'assassin a dégroupé les trois filles qui en sont la cause. À première vue, les soupçons peuvent porter sur Max, puisqu'il était soi-disant amoureux de Marlène. Mais Sarah a autant de mobile que lui, même peut-être plus. Ok, mais pourquoi avoir attendu 20 ans pour passer à l'action avant Serge? Je veux bien que la vengeance soit un plat qui se mange froid, mais tout de même. Pour ne pas qu'on puisse faire directement le rapprochement avec la mort de Marlène, c'était une vieille histoire, et le meurtrier a maquillé sa vengeance en crime de pervers. Ouais, mais alors pourquoi nous mettre sur la piste avec son tampon à la con? Sans le cobra, on serait encore en train de courir après un maniaque sexuel, dis-je. Je suis comme toujours biscornu du cerveau, mais pour moi tout est trop évident. Attends, s'écrie Louis, ça nous paraît évident maintenant, parce que nous avons presque la clé, mais au début, n'oublie pas qu'on pédalait dans la semoule. Et pourquoi nous avoir choisi comme organe de presse et de transmission? Pourquoi toute cette dramaturgie? Demande Serge. Mais justement pour nous balader et nous éloigner de quelque chose qui est encore plus évident que ce que nous avons trouvé. Mais nous éloigner de quoi? Rugit Louis en tapant sur la table. Les trois femmes bondissent de surprise et Gilda part à l'attaque. Oh, ça va pas, non? Cette histoire vous rend fada? Vous allez me réveiller, la petite. Allez, basta. Il est 11 heures passées. Moi, je tombe de sommeil. Et vous aussi. Je monte me coucher. Vous réfléchirez dans le noir sur l'oreiller. Et en silence. Le lendemain, Serge et moi devons aller retirer de l'argent à la poste pour lui et au Crédit Agricole pour moi. Place d'Assas. Trois clients étant avant moi, je m'assois sur un vilain siège dégonflé qui me tend néanmoins ses bras maigres. À faire la queue, autant être confortable. Le fauteuil est juste à côté d'une porte sur laquelle on peut lire « Directeur d'agence ». Dès que j'ai le cul dans cette estrasse avachie, je perçois derrière la porte des voix qu'il est supposé qu'il y a de l'angasse dans l'air. Je vous répète que je ne vendrai jamais, c'est clair, non? Mais vous ne pouvez pas faire autrement, monsieur Lannoy. Je vous ai expliqué 1000 fois. Si vous vendez de votre propre chef, vous aurez la possibilité de récupérer quelques fonds nécessaires à votre reconversion. Vous savez que j'avais, des acquéreurs. Vous pouvez me montrer dans l'affaire. C'est une opération immobilière sans risque. Si vous vous obstinez à ne pas vendre, une décision de justice sera rendue et vos biens seront vendus aux enchères, juste de quoi recouvrer vos dettes. Au bout du compte, le résultat sera le même, mais aux enchères, il ne vous reviendra pas un copec, vous serez complètement ruiné. Non, je ne vendrai pas, je me fous de ce qui peut arriver et vous m'emmerdez. Mais vous comprenez ce que je vous dis ou vous le faites exprès? Ce n'est pas possible d'être aussi borné, nom de Dieu. Allez vous faire boire. La porte s'ouvre violemment, me faisant sursauter. C'est ça, foutez le camp et bon vent, hurle le directeur. Lannoy sort de l'agence en réussissant à claquer la porte d'entrée qui pourtant comporte un amortisseur. Facede, c'est la grosse colère. Personne ne moufte dans l'agence et je fais comme si je n'avais rien entendu. Mais soudain, une idée germe dans mon ciboulot. Je frappe discrètement à la porte du dirlo. Un entrée tonitruant me répond. Il va falloir que j'aille mollo si je ne veux pas me faire jeter vite fait. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas rendez-vous, mais j'ai entendu bien malgré moi la précédente conversation. Il se trouve que je venais vous voir parce que j'ai un capital assez important à placer. Il m'a semblé comprendre qu'il y avait un programme immobilier dans l'air. C'est exactement ce qu'il me faut. Vous êtes client chez nous? Évidemment, sinon je ne serais pas venu vous trouver. De combien disposez-vous? Environ 2,5 millions. De francs lourds, bien sûr. Ces fonds sont placés chez nous? Pas pour l'instant, mais ils pourront l'être, le cas échéant. Bon, pardonnez ma brusquerie, mais cet abruti m'a mis les cornes à l'envers. Je n'ai jamais vu un type aussi con et borné. Eh oui, nom de Dieu. Enfin, tant pis pour sa pomme. Je l'aurais prévenu. Alors, voilà l'affaire en 2 mots. Ce gars possède 2 belles bergeries en pierre et 2 hectares de terrain à peu près, situés en haut du col d'Esparon. J'avais jusqu'ici 2 acquéreurs. L'une s'est désistée, je ne sais pas pourquoi, et a préféré placer son capital dans une affaire de plomberie sur Montpellier. Du coup, l'autre a très mal pris la chose et nous a tous menacés des pires crasses. De toute façon, elles sont mortes toutes les deux, paix à leur âme. Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Ma direction centrale a décidé de participer au financement du projet et votre capital vous placerait en position dominante dans l'affaire. Bien, bien, et le mieux est que vous allez voir l'architecte qui a monté le projet. Il s'agit d'un village de tourisme respectueux du site et du terroir. L'ensemble serait vendu par bungalow à des Belges ou des Allemands qui raffolent du lieu. Profitez, l'architecte est actuellement ici dans son pied-à-terre. Mais c'est parfait. Attendez, je vais l'appeler. Vous êtes monsieur. Pour l'instant, je préfère rester incognito. Pendant que le dirlose s'affaire sur son téléphone, je remarque que plus mes mensonges sont gros, plus je me sens à l'aise. C'est terrible ça, non? Pourtant, quand j'étais petit, j'étais pas menteur. Voilà, me dit-il. Il vous attend à 15h, chez lui, vous verrez la maquette. Après avoir reçu quelques indications sur le domicile de l'architecte, je ressors du bureau, fier comme des gains, et prends directement la porte. Tant pis pour les sous, je ne peux pas dévoiler mon identité aujourd'hui. L'après-midi, je propose à Gilda de venir avec moi chez l'architecte. Elle est curieuse comme une souris, surtout quand il s'agit de la demeure de quelqu'un et de son intérieur. De plus, la maison d'un architecte doit certainement renfermer les trésors d'astuces et de modernité. Je finis par trouver l'adresse dans la Vèze. Mais à la place d'une demeure aux lignes audacieuses et futuristes, nous trouvons une grande maison cossue fin 19e, plantée au milieu d'un parc à l'abandon dont les massifs ont été remplacés par du gravier. Je garde la méharie un peu plus loin pour ne montrer aucun élément de notre train de vie et j'actionne la cloche près d'un des piliers. Sans attendre de réponse, nous franchissons le portail entrebâillé en fer forgé et pénétrons dans le parc. Au pied du perron, une grosse jaguar trapue semble monter la garde de ses deux yeux globuleux. Un homme d'une soixantaine d'années apparaît enfin sur le seuil. Sous une chevelure blanche et bourriffée, son visage couleur de brique nous sourit. Grand, bien bâti, vêtu seulement d'un short de bain, il ressemble à un acteur américain et dénote dans ses demeures bourgeoises et austères. « Montez, je vous en prie. Excusez ma tenue, je lisais au bord de la piscine. Venez, ici je reçois les gens sans façon. » Nous pénétrons à l'intérieur, et là, modernité et surprise sont bien au rendez-vous. Tout est blanc, y compris le sol. Seule la lumière jouant avec les reliefs des moulures et encorbellement de la cage d'escalier crée des différences de teintes. Au passage, je remarque sur la gauche une cuisine où dominent l'acier et le marbre. L'architecte nous ouvre les portes d'un salon immense qui est en fait un jardin d'hiver splendide, tout meublé de blanc, très lumineux. La pièce donne par 4 fenêtres cintrées sur un jardin à l'arrière de la maison. Nous franchissons l'une des baies et le maître des lieux nous invite à nous installer pendant qu'il va chercher des rafraîchissements. Là encore, l'inattendu nous enchante. L'arrière de la maison est traité comme un décor naturel de cascade. Le fond de la terrasse est constitué de blocs de pierre d'où coule une petite cascade s'épandant dans une grande vasque bordée de grandes dalles naturelles. Le fond de cette vasque, de couleur turquoise foncée, ajoute à l'attrait et au mystère de ce faubourg. Entre deux eaux, une espèce de méduse blonde se déplace et finit par émerger au bout du plan d'eau. Un corps de femme simplement vêtu d'un mini-slip apparaît alors. Ses cheveux blonds masquent ses reins et cette beauté hamiltonienne se dévoile à nous dans toute sa fraîcheur et sa grâce. Mais lorsqu'elle tourne la tête vers nous, quelle n'est pas notre surprise de découvrir Maud. Son corps jeune, svelte et pur est un véritable enchantement. Même Gilda en est saisie. Nous lui faisons des signes désespérés d'avoir à se taire. Je saisis une serviette de bain et tout en la lui jetant sur les épaules, je lui murmure. « Tu ne nous as jamais vus et tu ne nous connais pas, compris. Sinon je raconte à tout le monde l'âge de ton amant. C'est clair ? Qu'est-ce que tu peux être con ? Ce n'est pas mon amant. » Sur ces entrefaites, l'architecte revient portant un plateau. « Ah, je vois que vous avez déjà fait connaissance. Installez-vous, je vous en prie. » Nous nous asseyons à même la roche, le plateau posé entre nous. « Vous ne voulez pas vous baigner, madame ? » dit-il à Gilda. « Ça a l'air profond, mais c'est la couleur qui donne cette impression. En réalité, il n'y a qu'un 1,5 mètre de profondeur. J'ai des mailles à vous prêter, si vous le désirez. »« J'ai peur d'avoir froid, » répond Gilda, un peu gênée. La sensation de froid provient aussi de la couleur foncée. En réalité, l'eau est chauffée par des capteurs solaires. Une fois dedans, on ne veut plus en sortir. Essayez, vous verrez. » Gilda se dévêt alors, ne gardant sur elle qu'un bas de maillot. Maud la prend par la main et la guide vers l'escalier dérobé qui permet d'entrer dans l'eau. Ces deux corps de femme montrent deux moments de la beauté féminine. Le regard d'esthète de l'architecte n'en perd pas une miette. Vous êtes un homme heureux. C'est tellement beau. C'est ce qui me fait croire en Dieu, vous voyez. Cette fille, j'ai fait sa connaissance en manquant l'écraser avec ma voiture. Quel dommage, si je l'avais habillée. Je parle de la fille, bien sûr, pas de la voiture, fait-il en se marrant. Votre épouse est superbe aussi. Tout en admirant les deux corps de naïades s'ébattre dans l'onde, nous sirotons une espèce de ponche maison. Alors, ce projet, fais-je au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que vous êtes ici pour cela. Venez, je vais vous montrer la maquette. Nous pénétrons à nouveau dans le jardin d'hiver, et l'architecte me dirige devant une maquette d'environ 2 mètres carrés. Voilà, ici vous reconnaissez le vieux village d'Esparon, et là, plus bas, le projet de complexe. Ici, vous avez les 2 bergeries existantes qu'on ne touchera pas. Mais c'est un hameau ancien. Non, c'est du neuf, mais bâti à l'identique du traditionnel. Vous voyez, l'unité de base est constituée au rez-de-chaussée de 2 pièces, salle à vivre, cuisine et WC. Au premier, 2 chambres et cabinet de toilette avec terrasse tropézienne. On peut faire communiquer 2 voire 3 unités. Tout dépend du prix, bien entendu. Chaque terrasse est cachée des regards. Là en bas, vous voyez l'ensemble de bassins traités comme le mien, qui constitue un espace naturel faisant office de piscine collective. On dirait vraiment un hameau datant de plusieurs siècles. C'est vraiment beau. Chapeau. À l'intérieur, le top en matière d'isolation, réseau électrique, chauffage. Prestations de qualité, mais en matériaux traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Jusqu'ici, nous avions 2 financeurs. 2 dames, d'ailleurs. L'une s'est désistée pour créer une société de fourniture de plomberie à Montpellier qu'elle a placée en gérance. L'autre n'avait pas la totalité des fonds et a dû temporiser. Elle était furieuse car c'est elle qui avait soulevé l'affaire et fait démarrer le projet. Mais elles sont mortes toutes les 2 assassinées et je me demande si ce projet ne porte pas malheur. Non, je plaisante. Si vous entrez dans l'affaire, il ne faut pas être superstitieux. Le propriétaire actuel est un gars qui vit près des étoiles et qui ne se rend compte de rien. Pourtant, il aura l'occasion de faire une affaire qui lui rapporterait bien plus que ses brebis et qui lui payera ses dettes, surtout. Il l'a vu, votre projet? Bien sûr. Il a même trouvé que c'était très beau, mais il m'a dit assez fermement qu'il ne vendrait jamais. C'est une affaire d'éthique, m'a-t-il dit. On ne vend pas un bien qui s'est transmis de génération en génération. De toute façon, ce n'est qu'une affaire de patience. Je vais réfléchir, dis-je en sortant sur la terrasse. Gilda remit son t-shirt et félicite l'architecte. Chapeau. De dehors, on ne pourrait soupçonner combien votre maison est féerique. C'est merveilleux. Je n'ai pas touché à l'extérieur pour éviter les jalousies et les convoitises. Très peu de personnes pénètrent ici, et les gens du coin ne savent pas ce qui se cache derrière les murs. En sortant dans le jardin, nous rencontrons Michel qui commençait à monter les marches du perron. « Ça y est, » dit-il à l'architecte, « j'ai nettoyé les filtres et rechargé les cartouches de chlore. Vous en avez pour 10 jours tranquilles. Lundi, je repasserai pour vérifier le pH et je donnerai un coup de karcher sur les dalles. Parfait, Michel, vous êtes précieux. Michel me prend par le bras pour m'amener à l'écart. Alors, il t'a montré le projet d'Esparon. C'est chouette, hein? Tu sais que cette garde de Béatrice avait pensé à tout. Elle m'avait demandé de me charger de l'entretien et de la maintenance du lotissement pendant l'hiver. Comme une araigne, elle attendait que l'anneau lâche le morceau ou passe l'arme à gauche. Comment ça, passer l'arme à gauche? J'en sais rien. Tu sais, cette femme Lou, c'était difficile de savoir ce qu'elle avait dans la tête. Et c'était pas une salope, mais une nuisible. Enfin, je veux dire qu'elle faisait le mal. Ça se sent, ça, tu sais. T'as jamais essayé de la... Oh putain, risque pas. C'est pire que la vérole, ce femme Lou. Après avoir pris congé, nous raccompagnons Maud en passant devant le centre. À Molière, Serge nous réserve un accueil un peu froid et je sais pourquoi. Notre visite de l'après-midi s'est faite à son insu et je n'ai pas l'habitude de lui cacher quoi que ce soit. Je le prends par le cou et lui glisse. « Mais c'est qu'il me fait la gueule, mon Sergio. Viens, Maline, je vais tout te raconter. » « L'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, » finit-il par dire. « La mort de Marlène pourrait très bien ne pas être le seul mobile. L'appât du pognon fabrique aussi d'excellents morts. J'ai l'impression que cette Béatrice a eu beau brûler des tonnes de cierges, elle doit à cette heure servir de balai de chiottes à Saint-Pierre. » C'est bien mon avis. Demain matin, à 11 h, c'est justement son enterrement. Tu vas avec moi pour laisser traîner nos portugaises. On ne sait jamais. Des fois qu'on tombe sur la révélation du siècle, j'ai hâte de voir l'état du tarbouif du curé. Moi aussi je vais venir, intervint Sylvia. Je suis curieux de voir toute la gentry du coin. Là, on va rencontrer les vrais gens d'ici, ceux qu'on ne voit ni au marché, encore moins au bord de la rivière. Ça va être un grand moment, à coup sûr. Vous irez sans moi, fait Gilda. Après tout, c'est un enterrement. Et je ne suis pas ici pour m'attrister la vie. À l'heure prévue, nous prenons place dans le bas-côté droit de l'église, près de la sortie. Louis est à mon côté, l'air grave et compassé. Près de l'autel, derrière le banc réservé à la famille, j'avise une femme d'une quarantaine d'années, grande, blonde coiffée en chignon, avec un mignon bibi penché sur le côté, un tailleur noir qui lui va à ravir. Lorsqu'elle tourne son visage, je remarque son petit nez en trompette, ses longs cils au rimel et ses lèvres pulpeuses. « Qui est cette bombe ?» fais-je à Louis. « C'est Claire Cécile, l'amie, » me répond-il. « Ah, elle avait du goût, Béatrice. » Comme Jézabel, la mère de Racine, au jour de la mort de son amie, la femme est pompeusement parée, son malheur n'ayant point abattu sa fierté. Même elle avait encore cet éclat emprunté, dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Bracelets et boucles d'oreilles lancent de petits éclairs diamantés lorsqu'elle porte à son petit nez un fin mouchoir. « Grosse fortune, » me fait Louis, comme s'il avait deviné mes pensées. Les nombreux bouquets de fleurs répandent un parfum entêtant et légèrement sûri, se mêlant à l'odeur de moisi de l'église. Le prêtre fait son apparition et ses peines de voir à quel point cet homme est ému de la disparition de la défunte. C'est la première fois que je vois un curé baigné de chaudes larmes, et comme pour un bon bailleur, un bon pleureur en fait pleurer 10. J'ai toujours trouvé qu'il était plus poignant de voir sangloter un homme plutôt qu'une femme. Qui sait, peut-être pleure-t-il d'amour, ce brave curé. Toujours est-il qu'il communique son chagrin à bon nombre de paroissiens et c'est à croire que la meilleure âme du Vigan disparaît aujourd'hui. Après son homélie, prononcée par petites saccades entrecoupées de hoquets chagrinés, il balance l'encensoir, les yeux perdus dans les terres, comme s'il voyait réellement l'âme de Béatrice élevée vers le ciel. En tout cas, nous savons que cette âme noire n'a aucune chance d'être assise à la droite du Seigneur, mais tant de ferveur arrive tout de même à nous émouvoir. Ne dit-on pas qu'il n'y a que la foi qui sauve ? Avant la fin de la cérémonie, nous nous glissons hors de l'église, près de la sortie, pour observer ceux qui ont assisté à la cérémonie. La blonde explosive sort au bras d'un homme qui ressemble vaguement à la défunte. Un cousin germain ? Est-ce à dire que la liaison de Béatrice était connue et acceptée par la famille ? Suivent également un tas de gens, habillés comme si nous étions en hiver. Ce qui laisse à penser qu'ils doivent se vêtir de la même façon, quelle que soit la saison. Soudain apparaît Lanoux, tenant par l'épaule Sarah d'un côté et Paul Marceau de l'autre. Tous trois n'ont pas craint de se montrer, alors que certains doivent bien savoir qu'ils sont plus ou moins directement liés à ce meurtre, le curé ayant dû confier ce qu'il avait vu sur la main de Béatrice. Sur le parvis, de petits groupes se forment et ceux qui ne vont pas au cimetière restent pour échanger trois mots. Sarah me remarque et me fait un vague sourire. Je m'approche du groupe. « Max, Paul, dit-elle, je vous présente le commissaire Volpi, celui que connaît Valérie. » Lanoux jette un œil à mes cheveux comme s'il y cherchait quelque chose. Moi, pas savoir pourquoi, je baisse les yeux et regarde ses souliers. « Oh, fan, les godillots !» Je comprends soudain pourquoi il observe ma chevelure. Je le regarde droit dans les yeux et nous nous comprenons immédiatement. « Il faudra que je vienne vous voir, nous avons des choses à nous dire. » Je lâche sur un ton glacial. « Quand vous voulez, » répond-il imperturbable. « Je vous ai déjà vu, » fait Marceau. « Béatrice m'avait indiqué votre identité quand vous êtes venu la première fois à l'Espérance voir Valérie Baume. » Tout en échangeant des banalités, la moitié de mon cerveau fonctionne à toute berzingue. Ainsi Béatrice me connaissait dès le premier jour. Soudain, je me revois sur le seuil de la gendarmerie lors de notre arrivée. Avec cette femme que nous avons empêchée de passer. C'était elle, nom de Dieu. Comment ça ne m'était pas revenu plus tôt? Elle a entendu Louis s'exclamer, le célèbre commissaire Volpi. Un petit détail qui vient de mettre de la nitroglycérine dans mes neurones. Je prends rapidement congé des trois. Je rejoins Serge et Louis, très fiévreux. Je viens de comprendre une foultitude de trucs, leur dis-je. Cet après-midi, il faut que j'aille faire un tour à Esparron. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? S'étonne Louis. C'est un beau point de vue, et puis il y a un vieux village superbe, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, fait Louis, avec beaucoup de Belges et d'Allemands. Non, moi je sais pourquoi tu vas aller à Esparron. Ne me dis pas que c'est pour une histoire de nénette encore, rétorque Serge. Il va aller voir Max Lanoux. Voilà, Je me trompe, Macaille ? Putain, c'est jusqu'au bout, je le rétorque. Et pourquoi Esparon et pourquoi Lanou ? Allez, Gino, arrête de faire ta bruto bestia. Tu sais très bien que Lanou habite à Esparon. Oui, vaguement, mais je ne sais pas où. Mais malin comme tu es, tu vas te renseigner, pas vrai ? Allez, te fatigue pas. Il crèche dans une bergerie à droite en arrivant en col. Tu ne peux pas te tromper. Il n'y a que 2 ou 3 baraques en bordure de la route. Une fois dans la voiture, je demande à Serge de m'accompagner à Esparon tout de suite après le déjeuner. C'est sérieux, Serge, il faut que je t'explique. Dès le café avalé, je m'installe au volant de la Méhari, bien qu'Esparon ne soit qu'à 1 kilomètre de Molière, mais ça monte sec et je veux gagner du temps. Serge bondit à côté de moi comme au bon vieux temps où nous faisions équipe. Sorti du village, sur la route qui grimpe à la fente colline, je me confie à Serge. Je crois que dès le début, on s'est complètement planté sur cette affaire. Nous avons été manipulés comme des minots. Qui est le coupable, d'après toi ? À première vue, c'est justement Lanou. Boire. Attends la suite et tu vas comprendre. À moins que je ne me sois complètement planté, mais ça m'étonnerait. Il ne nous faut que 3 minutes pour atteindre le sommet de la côte. À gauche se dresse le vieux village d'Esparon, dominant la vallée, et en contrebas, sur la droite, juste avant que la route ne redescende sur Bèze, j'avise 2 ou 3 grandes baraques, au bord de vastes prés en pente douce, sur le versant bien exposé. L'une d'elles domine les autres. Il est possible que ce soit celle de Lanou, si je me réfère à ce que j'ai vu de la maquette du projet. Nous allons laisser la voiture là, et je vais continuer tout seul à pied, pour ne pas effrayer le gibier. Reste là, Serge, et veille au grain au cas où. Parvenu au seuil du mât, je remarque que la porte est légèrement entr'ouverte. J'entre doucement, en faisant bêtement « Ouh, y a quelqu'un ?» Personne ne me répondant, j'entre dans la grande pièce à vivre, meublée d'une grande table et de 3 ou 4 chaises. La salle sent le pélardon, l'ail et le bistre, toutes odeurs qui mélangées ne me bottent guère. Serge dirait, ça sent la bouse. Sur la table de plusieurs siècles, je remarque des feuillets qui viennent juste d'être écrits, si j'en crois le bloc et le stylo au vert. Toujours seul, je me permets de jeter un regard sur leur teneur. On y reconnaît la plume de quelqu'un qui sait écrire. À mes parents et à Sarah. Je vais bientôt vous quitter sans trop de regrets et je tiens à ce que vous sachiez la vérité. J'ai tué Colette, Denise et Béatrice. Je savais que Colette couchait avec Gérard et que ça se passait dans une piole qu'il avait à Navas. Je les avais croisés plusieurs fois sur le Cos lorsque j'y mets mes moutons. Je l'ai donc attendue au bord de la route lorsqu'elle revenait au Bigan. Je l'ai arrêtée d'un signe de la main. Comme elle m'a immédiatement reconnu et que je lui ai toujours plu, je le sais, elle s'est fait un plaisir de stopper sa Renault 16. Malgré l'âge, son léger embonpoint ajoutait encore à ses attraits, et son œil était toujours si brillant, avec ce rien de provocation et d'ironie qui excite les hommes. J'ai commencé à lui faire du plat. « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ? » m'a-t-elle répondu, et je lui ai fait croire que j'étais en train de ramasser du genièvre. Après mes salades et mes compliments sur ma mine et sa ligne, elle se sentait tout à fait détendue, et prête à remettre le couvert avec moi. Quelle salope ! Jamais rassasiée ! Il croyait que c'était arrivé. On dit des hommes qu'ils ont le cerveau placé très bas. Mais elle, je me demande si elle n'avait pas plus de neurones dans la culotte que dans la cervelle. À 17 ans, elle faisait tout sous le coup d'impulsions soudaines et irréfléchies. La mort de Marlène avait été l'apothéose de sa connerie. J'avais mis une paire de gros gants soi-disant pour ne pas me piquer avec le genièvre. J'ai ouvert la portière de sa voiture et elle a commencé à remonter sa jupe sur ses cuisses, comme par inadvertance, pour m'allumer un peu plus. Pauvre Julien. Il n'a pas inventé la poudre, c'est vrai. Mais d'un autre côté, s'il boit autant, c'est aussi parce qu'elle le traitait comme une sous-merde. Et ce, dès le début de leur mariage. C'est pourtant elle qui l'a choisi. Il n'en revenait pas, d'ailleurs. On aurait dit un gamin qui en avait offert un train électrique grandeur nature. Le pauvre. Il bavait tellement devant elle qu'il ne pensait même pas se consoler auprès de certaines clientes qui n'attendaient que ça. J'ai compris plus tard pourquoi l'avait pris Julien comme mari. Son père voulait absolument qu'elle se marie, car il sentait bien que tôt ou tard, elle allait revenir à la maison avec un polichinelle dans le tiroir. Tenir la boutique de Julien lui permettrait de côtoyer des hommes, d'être tranquille dans la journée ou aussi le soir, puisque la plupart du temps, Julien rentrait complètement beurré. La haine qui sourdait en moi depuis des années, mon aversion pour ceux qui passent dans l'existence en cassant et salopant tout sur leur passage, cette haine a éclos dans ma tête comme un gigantesque tournesol. Je lui ai défoncé sa sale petite gueule avec un outil qui traînait dans sa voiture en lui disant « Tiens, salope, c'est de la part de ton connard de mari et de la part de Marlène. » J'avais un tel pouvoir destructeur que je lui en ai refoutu un coup en ajoutant « Tiens, celui-là, c'est de la part de Sarah et du père Baum. » Dès que la tension est retombée, j'ai jeté l'outil sans chercher à savoir quelle gueule Colette avait. Peu importait d'ailleurs, l'essentiel étant qu'elle soit morte. Je tenais maintenant à signer mon crime, dans le droit fil de la démarche que j'avais entamée. Ceux qui savaient comprendraient. Les autres, il faudrait qu'ils cherchent avec les indices que je leur donnais. S'ils n'étaient pas idiots, ils finiraient par trouver. Je voulais que le jeu dure un peu, juste le temps de me faire à l'idée que j'allais mourir. M'amuser un peu, tout en amusant la galerie, une dernière pirouette avant de passer l'arme à gauche. Je lui appliquai sur la cuisse le tampon que j'avais mis dans ma poche dans un petit sac plastique. Puis, pris d'une soudaine inspiration, j'ai pensé à utiliser le serpent comme un S et à compléter le message en salissant ma victime. Et j'ai écrit « salope », seul mot qui commence par un S, qui m'est venu à l'esprit et qui convenait si bien à Colette. Le coche était toujours désert. J'ai repris ma voiture et je suis redescendu au Vigan sans précipitation. Jamais je ne m'étais senti aussi bien. En arrivant au mât, j'ai pris alors la résolution de supprimer tous ceux, plutôt toutes celles, qui avaient fait notre malheur, à Sarah et à moi. Tuer était beaucoup plus aisé que ce que je ne m'imaginais. Puisque j'avais décidé de mourir, pourquoi laisser derrière moi des coupables impunis? Assassin, je l'étais déjà, et un peu plus, un peu moins, quelle était la différence? Autant faire place nette avant de s'en aller. Pour la justice, de toute façon, il ne faut compter ni sur Dieu et encore moins sur les hommes. Je plaçais donc Denise en deuxième position sur la liste. Denise que j'exécrais, et qui avait participé à la mort de Marlène, en riant comme une folle, et en secouant ses gros seins. Et puis pourquoi le cacher maintenant? Je n'ai jamais eu d'aversion pour le sang, et j'ai toujours égorgé mes moutons sans dégoût ni appréhension. Le sang des humains ne fait pas plus d'effet que celui d'une brebis. Mes meurtres seront donc ce que l'on appellera des crimes de sang. Et ils ne marqueront que mieux les mémoires. Pour Denise, je voyais qu'elle crève sur le lieu de ses turpitudes, parmi ses pâtés et ses jambons, comme une grosse cochonne qu'elle était. J'ai donc prévenu ce commissaire qui me paraît un peu plus futé que Fréjol, histoire de corser un peu le jeu. J'ai toujours adoré au chat et à la souris. Je connaissais par cœur les arrêts de sa tournée, et je décidai de choisir son passage à Bréau, d'abord parce qu'elle avait coutume de se faire astiquer discrètement par Marcel dans son camion à l'entrée du village. Ainsi elle mourait après une dernière coucherie, comme Colette. Je me suis mis derrière elle quand elle redescendait du village, et je lui ai fait des appels de phare, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Je l'ai remontée dans son camion. Elle m'a fait des grands sourires. Ses gros seins blancs qui ballottaient m'ont écœuré, et sans lui laisser le temps de réagir, je lui ai asséné un coup sur le crâne avec le premier outil qui m'est tombé sous la main. Puis je l'ai marqué comme Colette du saut du serpent. Pour Béatrice de Salvia, ça a été un peu différent. J'en avais marre de tout ce sang. Je me suis donc caché derrière un pilier et j'ai attendu qu'elle vienne près de moi. Dès qu'elle est apparue à portée de main, je l'ai liquidée. Il ne me restait plus qu'à la marquer elle aussi ce que j'ai fait. Maintenant que la justice a été rendue, sachez que je ne regrette rien et ne me pleurerai pas. Je meurs apaisé avec le sentiment du devoir accompli. Sarah, pardonne-moi, je n'ai jamais su t'aimer et toute ma vie, je me serais trompé. Perdu dans mes réflexions, je sursaute en entendant le claquement de la porte violemment rabattue sur le mur. La silhouette de l'anneau se découpe sur la clarté extérieure, un fusil dans une main, une corde dans l'autre. « Alors, fouille merde, tu arrives au mauvais moment. Tant pis pour toi. Tu voulais me voir, eh bien tu me vois. Mais ce sera la dernière fois. Et pour toi, et pour moi. C'est toi qui m'as escagassé. Tu veux m'expliquer pourquoi ?»« Sarah avait tout compris. » Fait-il en jetant un regard aux feuilles sur la table. « Elle voulait te prévenir, et j'ai voulu l'en empêcher. Quand elle m'a vu, elle s'est enfuie. Je t'ai assommé pour que tu ne puisses pas la poursuivre, et surtout pour que tu ne la reconnaisses pas. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le fusil ou la corde? Je ne sais pas. Pour l'instant, toi d'abord, et après je m'occuperai de moi. »« Tu sais que tu vas faire la plus grande connerie de ta vie? Personne ne croira ce que tu as écrit. Nous savons très bien que tu es innocent. » Et si tu cherches à couvrir quelqu'un d'autre, c'est raté d'avance. Ne prends pas les gens pour plus cons qu'ils ne le sont. Qu'est-ce que tu me chantes là? Je sais bien ce que j'ai fait, non? Peut-être, mais moi je sais ce que tu n'as pas fait. Tu sous-estimes les infos que nous avons sur cette affaire, et je te dis que ta mort ne servira strictement à rien. Ne fais pas une connerie qui plongera ceux qui t'aiment dans un chagrin pas possible. tu te crois très fort, mais le crime est un art, et que tu ne sais pas pratiquer, même avec une agrègue d'histoire, pauvre pomme. Dans ce domaine, nous avons une longueur d'avance sur toi. » Sur ce, pour me sortir de la situation, je tente un vieux coup qui m'a permis de sauver la vie de mon parrain Séraphin. Je fixe mon regard derrière l'anneau dans l'encadrement de la porte. « Entre, Serge, on t'attendait !» Aussi sec, l'anneau se retourne. En une fraction de seconde, mon genou broie ses joyeuses et je foudre à son plexus un uppercut dans lequel je mets toutes mes forces. Je termine en l'étranglant du canon de son fusil que j'ai saisi, mais qu'il n'a pas encore lâché. Dans l'action, un coup part, nous bousillons les tympans et ameutant tout le vallon. Vacillant, l'anneau finit par lâcher sa pétoire et se laisse glisser à terre en se tenant le bas-ventre hors d'haleine. « Tu vois, berger, Pepe Gino peut encore te rétamer. »« Oh, collègue, tu ne m'as pas tourné de l'œil, non ?» Mes oreilles sifflent horriblement, et je n'entends même plus ma propre voix. « Mettons-lui un truc sous la tête, » fait Serge. Il a couru dardard en entendant la détonation. Soudain, des moteurs rugissent dans le chemin d'accès à la ferme. « Et voilà, dès qu'on vous laisse seul, vous faites des conneries. » s'exclame Louis, dont la silhouette se découpe dans l'encadrement de la porte. « Tu passais par là, Gary ?» Si j'avais la tête arrachée par les chevrotines, mon con, tu ferais moins le malin. Tu ne l'as pas tué au moins, me fait-il en contemplant l'anneau. Lis plutôt ce qu'il y a sur la table. Pendant que l'anneau récupère de son asphyxie, Louis prend connaissance des feuillets. Il revient ensuite se planter devant Max. Il nous prend vraiment pour des demeurés, ce mec. Oh, fait-il en poussant l'anneau du pied. Ce que vous racontez ne correspond pas aux faits. Par contre, vous avez la fibre littéraire, c'est indéniable. Et une belle imagination. « Allez, fait-il à ses hommes, on l'embarque, au cas où il tenterait de recommencer. » À notre intention, il murmure. Il cherche à couvrir Sarah, c'est évident. « Peut-être, peut-être, mais ce n'est pas Sarah la coupable. »« Ah, tu m'expliqueras ça, hein. Vous venez ?» nous fait-il. De retour à la gendarmerie, nous montons chez Louis où Paula nous accueille, toute souriante. « Ave, Starsky et Hutch !»« Minou, tu nous fais un café, s'il te plaît ? On en a besoin, » lui demande Louis. Chacun confortablement installé dans un fauteuil, nous allons faire un brainstorming ou un brin de tournis, comme disait Gargan, un de mes hommes. Il est clair que ce n'est pas lui qui a commis les assassinats, commence Louis. Ou alors, il serait beaucoup plus intelligent que ce qu'on ne croit. Il avouerait en commettant sciemment des erreurs pour nous enfumer et continuer à laisser planer le doute. Non, je n'y crois pas. C'est un type intelligent, mais ce n'est pas un tortueux. Il a écrit ça dans un élan altruiste, affectif et dépressif, sans chercher la crédibilité de son récit. Alors qu'il est, il doit y réfléchir, et je suis sûr que si on l'interroge, il nous dira lui-même ce qui cloche dans son histoire. En tout cas, si les témoins commencent à mentir, c'est que l'enquête avance. Il cherche à couvrir Sarah, c'est évident, donc il doit savoir pertinemment qu'elle est coupable. Ou bien il s'en doute, confirme Serge. Je bois une gorgée de café, excellent d'ailleurs, et me décide à me lancer. « Non, les gars, je pense que les choses sont plus complexes qu'elles en ont l'air. »« Ça y est, Volpi complexifie !» s'exclame Louis. « Je suis d'accord avec vous. L'anneau croit que Sarah est coupable. D'ailleurs, quand il m'a assommé, il m'a raconté que c'était pour ne pas qu'elle le dénonce. En réalité, il avait peur qu'elle m'avoue qu'elle était l'auteur des deux premiers crimes. Mais si c'était quelqu'un d'autre ?»« Et qui, ma Carel ?»« Béatrice de Salvia, » dis-je dans le plus profond silence. Ce nom tombe comme une pierre dans une mare. Ben, ça c'est original comme idée, se marre Fréjol, ne sachant pas en réalité quelle attitude adopter. Rigole, couillosti, je suis sûr que le véritable cerveau machiavélique de l'affaire c'est elle. Ah bon, explique un peu. Je commence brièvement par leur raconter la genèse et le développement du projet immobilier d'Esparon, la trahison de Colette, qui n'avait pas placé ses billes dans l'affaire, la contrariété de Béa et l'entêtement de Max contre cette réalisation. En tuant Colette, elle fait d'une pierre deux coups. Elle se venge, mais elle combine son crime de façon à accuser l'anneau pour l'éliminer. Par le tampon du cobra, elle nous aiguille sur un crime à la fois sexuel et vindicatif. Elle était sûre qu'avec cet indice, nous remonterions au lycée à la mort de Marlène. Elle savait qui j'étais dès le jour de notre arrivée, et le premier billet que j'ai reçu, c'est elle qui l'a écrit. Il suffit, dit Serge, de saisir toutes les lettres qui sont encore à son domicile. On aura vite fait d'avoir une confirmation de l'écriture. Bien. Mais comment elle a pu savoir qui tu étais ? S'étonne Louis. Souviens-toi, le premier jour quand nous sommes venus te voir à la gendarmerie avec Serge, il y avait une femme dans l'entrée. Louis se concentre en cherchant le souvenir dans le fond de sa tasse. « Oh punaise, c'est elle, c'est vrai » finit-il par s'exclamer. « Et voilà, un tout petit détail, tu vois. En nous mettant en scène, elle complexifie la dramatisation, preuve évidente d'un esprit intelligent mais dérangé, celui d'un maniaque, comme elle voulait nous le faire croire et comme nous sommes tombés dans le panneau. « Pas con, » fait Serge en hochant la tête, « mais pourquoi avoir mis ce tampon dans la boîte à outils de Julien ?» Elle brouillait les pistes, mais elle savait bien que nous ne croyions pas à la culpabilité de Julien. « Bon, mais après, pour Denise, » demande Louis. « Après, j'ai, enfin nous avons, pardon, plusieurs solutions. Je pense que le deuxième billet n'a pas été écrit par Béatrice. Sinon, elle aurait utilisé la machine à écrire dès la première fois. Là, il faut composer entre Lanou, Sarah et... »« Et Marceau ! Pétard ! Il m'a jamais paru clair, ce mec !»« Oui, Marceau, que nous avons un peu trop mis à l'écart. Lui aussi peut avoir les mêmes mobiles que Lanou, pour ce qui est de l'amour de Marlène. » Il est vrai que le deuxième billet a été tapé à la machine, précise Serge. Il peut donc avoir été écrit par n'importe qui, sauf Béatrice, d'après toi. À ce moment, on frappe discrètement à la porte du logement de Louis. Il va ouvrir, laissant entrer un de ces hommes qui, munis de gants, porte justement une lande rouge noire qui date de l'an 40. Le gendarme pose la vieille machine à écrire sur la table du salon. Mon capitaine, regardez ce qu'on a trouvé dans l'armoire de Lanou. On s'est dit que ça pouvait être intéressant. On a vérifié rapidement. « Ce sont les mêmes caractères que ceux du second billet. »« Merci Pujol, vous êtes génial. Vous tombez à pic, bravo !»« Ah !» fait l'autre, ne sachant si son capitaine est sincère ou s'il se fout de sa fiole. Louis s'en aperçoit. « Non, sérieusement Pujol, c'est une pièce décisive !» Le gendarme prend congé, visiblement satisfait de lui. Nous reprenons notre discussion. « Donc c'est bien Lanou qui a tué Denise. »« Non, tu vas trop vite en besogne, Gary !» La machine prouve que c'est peut-être Lanou qui a écrit le billet, mais ça ne prouve pas que c'est Lanou qui a tué Denise, ou alors son récit est savamment erroné. « C'est vrai, » dit Serge. « Pourquoi n'aurait-il pas raconté la vérité si c'était lui l'assassin ? Et les traces du vélo dans le camion ? Et puis Denise n'a pas été assommée, comme le prétend Lanou. » « Alors, le cacou, tu ne trouves rien comme explication ?» m'interpelle Fréjol. « Oh, si, j'en ai bien une, mais je ne sais pas si elle tient la route. »« Vas-y, cause toujours. » On triera après. En attendant, je vais demander à vérifier les empreintes sur la machine. Pujol, appelle-t-il par la porte entrouverte, reprenez la machine et relevez au moins les traces papillaires. Eh bien, peut-être qu'il a eu l'intention de la tuer, mais que quelqu'un est passé avant lui et a fait le boulot à sa place. Et ce quelqu'un, ça pourrait être n'importe qui à condition qu'il possède un tampon de serpent, dit Serge. Tout à coup, Louis tape sur ses deux cuisses et se lève d'un bond. « Allez, venez, on descend. Il va bien falloir que Lanou passe à table. Après, on avisera. Ça laissera le temps à Gino de nous inventer quelque chose de nouveau. » Lanou fait son entrée dans le bureau, poussé par un gendarme. « Nous savons parfaitement que vous n'avez tué personne et que vous couvrez quelqu'un par vos mensonges. En revanche, c'est bien vous qui avez écrit le billet du pâté. Donc, vous avez bien l'intention de tuer Denise, à moins que vous n'ayez agi à deux. Vous pouvez éclaircir ce point ?» Mutisme total de la part de Lanou, je glisse à Serge. Je savais qu'il allait trop loin à cracher le morceau. Je sens qu'il faut que je donne un coup de main ou de gueule. Ce n'est pas Sarah qui a tué Colette. Nous en avons la preuve, c'est Béatrice. Vous comprenez ce qu'on vous dit ? Sarah est innocente, c'est clair, ça. Je lui beugle dans le trou de l'oreille. Vous n'allez pas foutre votre vie en l'air à tous les deux, avec Sarah, pour des conneries pareilles. C'est bien vous qui avez soif de justice, non ? Alors parlez, qu'on découvre les vrais coupables. Nom de Dieu ! Et selon ma bonne vieille méthode, je me prépare à le secouer en la grippant par la chemise, mais Louis me stoppe en me faisant les gros yeux. Néanmoins, et contre toute attente, mes propos ont l'air de faire leur effet. Oui, c'est moi qui ai écrit le billet, finit-il par dire dans un souffle. Mais vous n'êtes pas passé à l'acte. C'est un autre qui a fait le boulot, c'est ça ? Oui, mais je ne sais pas qui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Pourquoi aviez-vous projeté de tuer Denise ? Lanou prend une profonde inspiration. Je croyais que c'était Sarah qui avait assassiné Colette pour venger la mort de sa sœur. Je l'en ai parlé, mais elle m'a ri au nez, en me demandant si j'étais devenu complètement barge. Je me doutais bien qu'elle n'allait pas me l'avouer, alors j'ai eu peur qu'elle continue avec Denise et Béatrice. J'ai décidé de prendre les devants en copiant son modus operandi. Je vais glisser le billet. Mais quand je suis parti à la recherche de Denise, elle était déjà morte depuis un grand moment. Et vous avez pensé que Sarah avait été plus vite que vous ? Vous ne lui aviez pas parlé du biais, bien entendu. Non, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, je l'ai sentie tendue, méfiante vis-à-vis de moi. Elle tentait de m'éviter la plupart du temps. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'elle pouvait penser que c'était justement vous, l'assassin? Vous aviez les mêmes mobiles qu'elle, après tout. Au fait, vous pourriez peut-être nous dire maintenant pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Nous nous sommes mariés sur un coup de tête. Nous étions liés par la mort de Marlène. J'ai cru que Sarah pourrait la remplacer, et de son côté, elle s'est dit qu'elle pourrait me faire oublier Marlène. Sarah a toujours été amoureuse de moi. À ce moment, Pujol vient dire un mot à l'oreille de Louis. Ce dernier ne moufte pas et continue l'interrogatoire. Et ben alors, ce mariage, pourquoi ça n'a pas marché? Blocage. On ne s'est pas laissé le temps d'être attirés l'un vers l'autre et nos premiers rapports ont été catastrophiques. Chacun de nous pensait que c'était de sa propre faute. Pourtant, on s'estime et on a beaucoup de points communs. Nous nous sommes séparés pour laisser le temps au temps, comme on dit. Donc, dis-je, vous avez compris que vous faisiez peur à votre femme? Oui, et quand elle est venue vous voir, Monsieur Volpi, j'ai craint qu'elle n'aille se dénoncer. Enfin, je crois que c'était l'intention qu'elle avait à ce moment-là. Et pour Béatrice, vous n'avez aucune idée sur son meurtrier? Non, mais c'est quelqu'un qui a un tampon, c'est évident. Lanou a l'air de s'être détendu, et Louis en profite. Quelles étaient vos relations avec Béatrice de Salvia? Tendue. Béatrice a toujours été amoureuse de moi, et elle était jalouse des autres filles, parce qu'elles osaient provoquer les garçons, leur faire du gringue. Toute chose dont elle était incapable avec son éducation et son caractère rigide. Comme j'ai toujours fait la sourde oreille à ses œillades, elle m'a voué une haine éternelle, comme souvent quand l'amour est déçu. Et cette histoire de complexe immobilier? Ah, c'était pour essayer une dernière fois de me conquérir. Elle comptait qu'on s'associe, et elle espérait que je finirais par tomber dans ses filets. Mais pourtant, elle avait des préférences homosexuelles. C'était pour se consoler. Elle n'a jamais pu aimer ou toucher un autre homme que moi. C'était obsessionnel chez elle. Pourtant, elle n'était pas si moche que ça, tout de même. Eh bien, capitaine, fallait vous dévouer. Serge et moi sourions, Louis s'étant fait avoir à son propre jeu. Ben, monsieur Lanou, vous allez rester encore quelques minutes chez nous? Non parce que vous êtes suspect, mais pour vous éviter de communiquer, éventuellement. Vous désirez un café? Manger un morceau?